Rome, chapitre 14. Le soir, comme Pierre débouchait du Borgo devant le Vatican, l'horloge, dans le profond silence du quartier enténébré et sommeillant déjà, laissa tomber un grand coup sonore, la demie de 8 heures. Il était en avance, il résolut d'attendre 20 minutes, de façon à n'être en haut, à la porte des appartements, qu'à 9 heures, l'heure exacte de l'audience. Et ce répit lui fut un soulagement, dans l'émotion et dans la tristesse infinie qui lui étreignait le cœur. Il arrivait, les membres brisés, affreusement las de l'après-midi tragique qu'il venait de passer au fond de cette chambre de mort, où Dario et Benedetta dormaient maintenant leur éternel sommeil, au bras l'un de l'autre. Il n'avait pu manger. Il était hanté par l'image farouche et douloureuse des deux amants, si plein d'eux que des soupirs involontaires s'échappaient de sa gorge, tandis que des pleurs sans cesse remontaient à ses yeux. Ah, qu'il aurait voulu pouvoir se cacher, pleurer à son aise, satisfaire ce besoin immense de larmes dont il étouffait. Et c'était un attendrissement qui gagnait toutes ses pensées. La mort pitoyable des deux amants s'ajoutait pour lui à la plainte qui sortait de son livre, le bouleversait d'une pitié plus grande, d'une véritable angoisse de charité pour tous les misérables et pour tous les souffrants de ce monde, si éperdu à cette évocation de tant de plaies physiques et morales, de ce Paris, de cette Rome où il avait vu tant d'injustices et monstrueuses souffrances. Qu'il avait peur, à chaque pas, d'éclater en sanglots, les bras tendus vers le ciel noir. Alors, lentement, pour se calmer un peu, il se promena sur la place Saint-Pierre. À 7 heures de nuit, c'était une immensité de ténèbres et de solitude. Quand il était arrivé, il avait cru se perdre dans une mer d'ombre. Mais peu à peu, ses yeux s'accoutumaient. Le vaste espace n'était éclairé que par les 4 candélabres à 7 becs aux 4 coins de l'obélisque, et que par les rares becs à droite et à gauche le long des bâtiments qui montent à la basilique. Sous le double portique de la colonnade, d'autres lanternes brûlaient d'une lueur jaune parmi la colossale forêt des 4 rangées de piliers dont elles découpaient bizarrement les fûts. Et sur la place, il n'y avait de visible que l'obélisque pâle se dressant d'un air d'apparition. La façade de Saint-Pierre s'évoquait, elle aussi, à peine distincte, comme en un rêve, et chose et morte dans une extraordinaire grandeur de sommeil, d'immobilité et de silence. Il ne voyait pas le dôme, à peine une rondeur bleuâtre, géante, devinée sur le ciel. Sans les voir, il avait d'abord entendu le ruissellement des fontaines, quelque part au fond de cette obscurité vague. Puis, il finit par distinguer le fantôme mince et mouvant des jets continus qui retombaient en pluie. Et au-dessus de l'immense place, le ciel immense s'étendait, sans lune, de velours bleu sombre, où les étoiles semblaient avoir une grosseur d'un éclat d'escarboucle. Le chariot renversé sur la toiture du Vatican, avec ses roues d'or, son brancard d'or, Orion splendide, chamarré des 3 astres d'or de son baudrier, là-bas, sur Rome, du côté de la rue Giulia. Pierre leva les yeux sur le Vatican. Mais il n'y avait là qu'un entassement de façades confuses, où ne luisaient que 2 petites lueurs de lampes à l'étage des appartements du pape. Seule dans la cour Saint-Damase, éclairée intérieurement, la façade du fond et celle de gauche brasillaient, blanchies par les reflets de leurs grands vitrages de serre. Et toujours pas un bruit, pas un mouvement, pas même un déplacement de l'ombre. Deux personnes traversèrent l'immensité de la place. Il en vint une troisième qui disparut à son tour. Puis, il ne resta qu'une cadence de pas rythmés, très lointaine. C'était le désert absolu. Ni promeneur, ni passant. Pas même l'ombre d'un rôdeur sous la colonnade entre la forêt de piliers. Aussi vide que les sauvages forêts centenaires des premiers âges. Et quel désert solennel! Quel silence de hautaine désolation! Jamais il n'avait éprouvé une sensation de sommeil plus vaste ni plus noire, d'une souveraine noblesse de mort. À 9h10, Pierre se décida, se dirigea vers la porte de bronze. Un seul battant en était ouvert encore, au bout du portique de droite, dans un épaississement des ténèbres qui la noyait de nuit. Il se souvenait des instructions précises que Monsignor Enani lui avait données. Demander à chaque porte Monsieur Squadra, ne pas ajouter une parole. Et chaque porte s'ouvrirait, il n'aurait qu'à se laisser conduire. Personne au monde maintenant ne le savait là, puisque Benedetta n'était plus. Quand il eut franchi la porte de bronze et qu'il se trouva devant le garde suisse immobile qui gardait le seuil d'un air ensommeillé, il dit simplement le mot convenu. « Monsieur Squadra !» Et le garde suisse n'ayant pas bougé, ne lui barrant pas le chemin, il passa. Il tourna tout de suite à droite dans le grand vestibule de la Scala Pia, l'escalier de pierre à l'énorme cage carrée qui monte à la cour Saint-Damase. Et pas une âme, rien que l'écho étouffé des pas, rien que la lueur dormante des becs de gaz, dont les globes dépolis blanchissaient mollement la clarté. En haut, en traversant la cour, il se souvint de l'avoir déjà vue, des loges de Raphaël, avec son portique, sa fontaine, son pavé blanc, sous le brûlant soleil. Mais il n'y apercevait même plus les 5 ou 6 voitures qui attendaient, les chevaux figés, les cochers raidis sur leurs sièges. C'était une solitude, un vaste carré nu et pâle, d'un sommeil sépulcral, sous la lumière morne de lanterne, dont les réverbérations blanchissaient les hauts vitrages des 3 façades. Et, un peu inquiet, gagné par le petit frisson du vide et du silence, il se hâta, il se dirigea à droite vers le perron, abrité d'une marquise, dont les quelques degrés mènent à l'escalier des appartements. Là, debout, se tenait un gendarme superbe en grand uniforme. « Monsieur Squadra !» D'un geste simple, sans une parole, le gendarme montra l'escalier. Pierre monta. C'était un escalier très large, à la rampe de marbre blanc, aux marches basses, aux murs enduits d'un stuc jaunâtre. Dans les globes de verre dépoli, les becs de gaz semblaient avoir été baissés déjà par une économie sage. Et sous cette clarté de veilleuse, rien n'était d'une solennité plus triste que cette majestueuse nudité, si blême et si froide. À chaque palier, un garde suisse veillait encore avec sa hallebarde. Et dans le lourd sommeil qui prenait le palais, on n'entendait plus que les pas réguliers de ces hommes, allant et venant toujours, sans doute pour ne pas succomber à l'engourdissement des choses. Au travers de cette ombre envahissante, parmi le grand silence frissonnant, la montée paraissait interminable. Chaque étage se coupait en tronçons, encore un, encore un, encore un. Quand il arriva enfin au palier du 2e étage, il s'imaginait qu'il montait depuis 100 ans. Devant la porte vitrée de la salle Clémentine, dont le battant de droite était seul ouvert, un dernier garde suisse veillait. « Monsieur Squadra !» Le garde s'effaça, laissa entrer le jeune prêtre. Cette salle Clémentine, immense, semblait sans borne à cette heure, dans la clarté crépusculaire des lampes. La décoration, si riche, les sculptures, les peintures, les dorures, se noyaient, n'était plus qu'une vague apparition fauve, des murs de rêve où dormaient des reflets de joyaux et de pierreries. Et d'ailleurs, pas un meuble, le dallage sans fin, une solitude élargie se perdant au fond des ténèbres. Enfin, à l'autre bout, près d'une porte, Pierre crut apercevoir des formes le long d'un banc. C'étaient trois gardes suisses, assis là, ensommeillés. « Monsieur Squadra !» Lentement, un des gardes se leva, disparut. Et Pierre comprit qu'il devait attendre. Il n'osa bouger, troublé par le bruit de ses pas sur les dalles. Il se contenta de regarder autour de lui, en évoquant les foules qui avaient peuplé cette salle. Aujourd'hui encore, elle était la salle accessible à tous et que tous devaient traverser. Simplement une salle des gardes, pleine toujours d'un tumulte de pas, d'allées et de venues sans nombre. Mais quelle mort pesante dès que la nuit l'avait envahie! Et comme elle était désespérée et lasse d'avoir vu défiler tant de choses et tant d'êtres! Enfin, le garde revint, et derrière lui apparut, sur le seuil de la pièce voisine, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu entièrement de noir, qui tenait du domestique de grande maison et du bedeau de cathédrale. Il avait un beau visage, correct et rasé, avec un nez un peu fort, entre deux yeux larges, fixes et clairs. « Monsieur Squadra, » dit Pierre une dernière fois. L'homme s'inclina pour dire qu'il était Monsieur Squadra. Puis, d'une nouvelle révérence, il invita le prêtre à le suivre. Et tous deux, l'un derrière l'autre, sans hâte aucune, s'engagèrent dans l'interminable enfilade des salles. Pierre, au courant du cérémonial, et qui en avait causé plusieurs fois avec Narcisse, reconnut, au passage, les salles diverses, se rappela l'usage de chacune, les remplit des personnages qui avaient le droit de s'y tenir. Selon son rang, chaque dignitaire ne peut franchir une certaine porte, de sorte que les personnes qui doivent être reçues par le pape passent ainsi de main en main, de celle des domestiques en celle des gardes nobles, puis en celle des camériers d'honneur, puis en celle des camériers secrets, jusqu'au Saint-Père. Mais dès 8 heures, les salles se vident, de rares lampes brûlent seules sur les consoles. Ce n'est plus qu'une suite de pièces désertes, à demi-obscures, assoupies, au fond du néant auguste où tombe le palais entier. Et d'abord, ce fut la salle des domestiques, des Bussolanti, de simples huissiers vêtus de velours rouge, brodés aux armes du pape, qui ont la charge de mener les visiteurs jusqu'à la porte de l'antichambre d'honneur. À cette heure tardive, un seul était encore là, assis sur une banquette, en un tel coin d'ombre que sa tunique de pourpre paraissait noire. Il leva la tête, laissa passer, dans ces ténèbres où s'éteignait toute la pompe éclatante du plein jour. Puis, on traversa la salle des gendarmes, où la règle était que les secrétaires des cardinaux et des hauts personnages attendissent le retour de leur maître. Et elle était complètement vide, pas un seul des beaux uniformes bleus aux buffleteries blanches, pas une seule des fines soutanes qui s'y mêlaient pendant les heures brillantes des réceptions. Vide également la salle suivante, plus petite, réservée à la garde palatine, cette milice recrutée parmi la bourgeoisie de Rome, qui portait la tunique noire, les épaulettes d'or, le shako surmonté d'un plumet rouge. On tourna à droite, dans une autre enfilade de salles. Et vide encore la première où l'on entra, la salle des tapisseries, une salle d'attente, superbe avec son haut plafond peint, ses gobelins admirables, signés Audran, Jésus faisant des miracles et les noces de Cana. Vide, elle aussi, la salle des gardes nobles, avec ses escabeaux de bois, sa console à droite, que surmonte un grand crucifix entre une paire de lampes, sa large porte du fond qui s'ouvre sur une autre petite pièce une sorte d'alcôve contenant un autel où le Saint-Père dit sa messe, isolé, pendant que les assistants restent à genoux sur les dalles de marbre de la salle voisine, toute resplendissante des uniformes ensoleillés des gardes nobles. Et vide enfin l'antichambre d'honneur, la salle du trône, dans laquelle le pape reçoit en audience publique, jusqu'à 200 et 300 personnes à la fois. En face des fenêtres, sur une estrade basse, est le trône, un fauteuil doré, recouvert de velours rouge, sous un baldaquin de même velours. À côté se trouve le coussin pour le baise-pied. Puis c'est à droite et à gauche deux consoles face à face, l'une avec une pendule, l'autre avec un crucifix, entre de hauts candélabres à pieds de bois doré, portant des bougies. La tenture de damas rouge, à large palme Louis XIV, monte jusqu'à la fastueuse frise qui encadre le plafond d'attributs et de figures allégoriques. Et le magnifique et froid alage de marbre n'est recouvert d'un tapis de Smyrne que devant le trône. Mais les jours d'audience particulière, lorsque le pape se tenait dans la salle du petit trône, ou même dans sa chambre, la salle du trône n'était plus que l'antichambre d'honneur, où toute la prélature attendait, les hauts dignitaires de l'Église mêlés aux ambassadeurs, aux grands personnages civils de tout rang. Le service y était fait par les deux camériers d'honneur, l'un en habit violet, l'autre de cap et d'épée, qui recevait, des mains des Bussolanti, les personnes admises au précieux honneur d'une audience, pour les conduire eux-mêmes à la porte de la pièce voisine, l'antichambre secrète, où ils les remettaient aux mains des camériers secrets. C'était la salle la plus luxueuse, la plus vivante, dans l'éclat des uniformes et des costumes, dans l'émotion qui grandissait, à mesure qu'on approchait du tabernacle habité par l'élu et l'unique, au travers de cette succession sans fin de salles, où le cœur battait de plus en plus fort, étreint jusqu'à l'étouffement par cette gradation savante, de splendeur moindre en splendeur sans cesse accrue. Et, à cette heure de nuit, toujours pas une âme, pas un geste, pas une voix. Rien que le silence tombant des ténèbres du plafond sur le trône de velours rouge. Rien qu'une lampe fumeuse qui charbonnait à l'angle d'une console dans la salle vide et endormie. Monsieur Squadra, qui ne s'était pas encore retourné, marchant d'un pas lent et muet, s'arrêta un instant à la porte de l'antichambre secrète, comme pour donner aux visiteurs le temps de se remettre un peu avant d'affronter l'entrée du sanctuaire. Seuls les camériers secrets avaient le droit de vivre là, et seuls les cardinaux pouvaient y attendre que le pape daignât les recevoir. Pierre, en y pénétrant, lorsque M. Squadra se fut décidé à l'introduire, sentit bien, à son petit frisson d'homme nerveux, qu'il entrait dans l'au-delà redoutable, de l'autre côté de ce bas monde humain et résonnant. Pendant le jour, un garde noble de faction en gardait la porte. Mais la porte, à cette heure, était libre, la pièce était vide comme les autres. Et pour la peupler, il y fallait évoquer les très nobles et très puissants personnages qui la garnissaient d'ordinaire, en grand habit de cérémonie. Elle s'étranglait un peu, en forme de couloir, avec ses deux fenêtres donnant sur le nouveau quartier des prés du château, tandis qu'une seule fenêtre s'ouvrait sur la place Saint-Pierre, au bout, près de la porte qui conduisait à la salle du petit trône. C'était là, entre cette porte et cette fenêtre, assis devant une table étroite, que se tenait d'habitude un secrétaire, absent en ce moment. Et toujours la même console dorée, avec le même crucifix entre la même paire de lampes. Une grande horloge, dans une gaine d'ébène incrustée de cuivre, battait lourdement l'heure. La seule curiosité, sous le plafond à rosaces d'or, était la tenture, en damas rouge, semée d'écussons jaunes. Les deux clés et la tiare, alternant avec le lion, la griffe posée sur la boule du monde. Mais monsieur de Squadra venait de s'apercevoir que, contrairement à l'étiquette, Pierre tenait encore à la main son chapeau, qu'il aurait dû laisser dans la salle des Bussolanti. Seuls les cardinaux ont le droit de garder la barrette. Il prit le chapeau d'un geste discret, le posa lui-même sur la console, pour bien indiquer qu'il devait rester au moins là. Puis, sans un mot toujours, d'une simple révérence, il fit comprendre qu'il allait annoncer le visiteur à sa sainteté et que celui-ci voulut bien attendre un instant dans cette pièce. Demeuré seul, Pierre respira profondément. Il étouffait, son cœur battait à se rompre. Pourtant, sa raison restait claire. Il avait très bien jugé, dans les demi-ténèbres, ces fameux, ces magnifiques appartements du pape. Une suite de salons splendides, avec des murs ornés de tapisseries, tendus de soie, des frises dorées et peintes, des plafonds déroulant des fresques. Mais, comme meubles, rien que des consoles, des escabeaux et des trônes. Et les lampes, les pendules, les crucifix, même les trônes, rien que des cadeaux, apportés des quatre coins du monde aux jours de ferveur des grands jubilés. Pas le moindre confortable, tout cela fastueux, raide, froid et pas commode. L'ancienne Italie était là, avec son continuel gala et son manque de vie intime et tiède. On avait dû jeter quelques tapis sur les admirables dallages de marbre, où les pieds se glaçaient. On avait fini par installer récemment des calorifères, qu'on osait d'ailleurs allumer, de peur d'enrhumer le pape. Et ce qui avait frappé Pierre davantage encore, ce qui le pénétrait jusqu'aux os maintenant qu'il était là, debout, à attendre, c'était ce silence extraordinaire, un silence tel qu'il n'en avait jamais entendu de plus profond, comme si, autour de lui, tout le néant noir du Vatican colossal, tombé au sommeil, fut monté à cet étage, dans cette enfilade de salles désertes, somptueuses et mortes, où brûlaient les petites flammes immobiles des lampes. 9 heures sonnèrent à l'horloge d'ébène, et il s'étonna. Comment ? 10 minutes seulement s'étaient écoulées depuis qu'il avait franchi la porte de bronze. Il aurait cru qu'il marchait depuis des jours et des jours. Alors, il voulut combattre cette oppression nerveuse qui l'étranglait, car jamais il n'était sûr de lui-même. Il craignait toujours de voir son calme, sa raison, sombrer dans une crise de larmes. Il marcha, passa devant l'horloge, donna un coup d'œil au crucifix de la console, regarda le globe de la lampe, où les doigts gras d'un domestique avaient laissé leur empreinte. Elle éclairait d'une lueur si jaune et si faible qu'il eut envie de la remonter, mais il n'osa pas. Puis il se trouva debout, le front contre une vitre, devant la fenêtre qui donnait sur la place Saint-Pierre. Et il eut une minute de saisissement. Rome immense s'étendait dans l'entrebâillement des persiennes mal fermées. Rome, telle qu'il l'avait déjà vue des loges de Raphaël, telle qu'il l'avait reconstruite le jour où, du petit restaurant de la place, il s'était imaginé voir Léon XIII à la fenêtre de sa chambre. Seulement, c'était la Rome de nuit, la Rome élargie encore au fond des ténèbres, sans bornes, comme le ciel étoilé. Dans cette mer illimitée aux vagues noires, on ne reconnaissait sûrement que les grandes voies, changées en voies lactées par les blancheurs vives de l'éclairage électrique. Le cours Victor Emmanuel, puis la rue Nationale, ensuite le Corso, qui les coupait à angle droit, coupé lui-même par la rue du Triton, que continuait la rue San Nicolo da Tolentino, laquelle était reliée à la gare par la lointaine lueur de la place des Thermes. De l'autre côté du cours Victor-Emmanuel et de la rue Nationale, vers la Rome antique, quelques places, quelques bouts d'avenue flamboyaient encore. Mais l'ombre déjà submergeait tout. Pour le reste, ce n'était plus qu'un pullulement de petites clartés jaunes, les miettes d'un ciel à demi éteint balayé sur la terre. De rares constellations, des étoiles brillantes traçant de mystérieuses et nobles figures, tâchaient vainement de lutter et de se dégager. Elles étaient noyées, effacées dans le chaos confus de cette poussière d'un vieil astre, qui se serait brisée là, y laissant sa gloire, réduite désormais à n'être qu'une sorte de sable phosphorescent. Et quelle immensité noire, ainsi poudrée de lumière! Quelle masse énorme d'obscurité et d'inconnu, dans laquelle semblaient avoir sombré les 27 siècles de la ville éternelle! Ses ruines, ses monuments, son peuple, son histoire, jusqu'à ne plus pouvoir dire où elle commençait ni où elle finissait, peut-être élargie jusqu'au bord illimité de l'ombre, tenant toute la nuit, peut-être si diminuée, si disparue, que le soleil à son retour n'en éclairerait que le peu de cendres. Mais l'angoisse nerveuse de Pierre, malgré son effort pour la calmer, augmentait de seconde en seconde, même devant cet océan de ténèbres, d'une souveraine paix. Il s'écarta de la fenêtre. Il tressaillit de tout son être en entendant un léger bruit de pas et en croyant qu'on venait le chercher. Le bruit sortait de la salle voisine, la salle du petit trône, dont il s'aperçut alors que la porte était restée entr'ouverte. N'entendant plus rien, il se hasarda dans sa fièvre d'impatience. Il allongea la tête pour voir. C'était encore une salle tendue de damas rouge, assez vaste, avec un fauteuil doré, recouvert de velours rouge, sous un baldaquin de même velours. Et l'on y trouvait l'inévitable console, le haut crucifix d'ivoire, la pendule, la paire de lampes, les candélabres, deux grands vases sur des socles, deux autres de moyenne taille, sortis de la manufacture de Sèvres, ornés d'un portrait du Saint-Père. Pourtant, on sentait là plus de confortable. Le tapis de Smyrne recouvrait le dallage entier, quelques fauteuils s'alignaient contre les murs, une fausse cheminée drapée d'étoffe servait de pendant à la console. Le pape, dont la chambre ouvrait sur cette salle, y recevait d'habitude les personnages qu'il voulait honorer. Et le frisson de Pierre augmentait à l'idée qu'il n'avait plus qu'une pièce à traverser, que si près de lui, derrière cette simple porte de bois, était Léon XIII. Pourquoi le faisait-on attendre? Se préparait-on à le recevoir dans cette pièce pour ne pas l'admettre dans une intimité trop étroite? On lui avait conté des visites mystérieuses, reçues à pareille heure, des personnages inconnus, introduits de même façon, silencieusement, de grands personnages dont on murmurait les noms très bas. Lui, ce devait être qu'on le jugeait compromettant, qu'on désirait causer à l'aise, sans paraître s'engager en rien, à l'insu de l'entourage. Puis, brusquement, il s'expliqua la cause du bruit qu'il avait entendu, en apercevant sur la console, près de la lampe, une petite caisse de bois, une sorte de profond plateau à anse où se trouvait la desserte d'un souper, la vaisselle, le couvert, la bouteille et le verre. Il comprit que M. Squadra, ayant remarqué cette desserte dans la chambre, venait de la porter là, puis qu'il devait être rentré faire un bout de ménage. Il savait la grande frugalité du pape, ses repas pris sur un étroit guéridon, le tout apporté à la fois dans cette petite caisse, une viande, un légume, deux doigts de Bordeaux, par ordonnance du médecin, Du bouillon surtout, des tasses de bouillon qu'il aimait à offrir aux vieux cardinaux, ses favoris, comme on offre du thé, tout un régal réparateur de vieux garçons. L'ordinaire de Léon XIII était fixé à 8 francs par jour. Oh, débauche d'Alexandre VI! Oh, festins et galas de Jules II et de Léon X! Mais il y eut un nouveau petit bruit, venu de la chambre, qu'il ne put s'expliquer. Et il fut terrifié de son indiscrétion. Il se hâta de retirer sa tête, en croyant voir toute la salle rouge du petit trône flambée d'un brusque incendie, dans la paix morte où elle dormait. Alors, il préféra marcher à pas étouffés, trop frémissant pour rester immobile. Ce monsieur Squadra, il se souvenait maintenant d'en avoir entendu parler par Narcisse. Tout un gros personnage, l'homme le plus important, le plus influent, le valet de chambre bien-aimé de sa sainteté, qui seul pouvait la décider, les jours de réception, à mettre une soutane blanche propre, si celle qu'elle portait se trouvait par trop salie de tabac. Sa sainteté s'obstinait également à s'enfermer chaque nuit toute seule dans sa chambre, sans vouloir que personne couchât près d'elle, par indépendance. On disait aussi par inquiétude d'avare, qui entend dormir seul avec son trésor. Ce qui causait de continuelles inquiétudes, car il n'était guère raisonnable qu'un vieillard de cet âge se barricadât de la sorte. Et M. Squadra couchait seulement dans une pièce voisine, mais l'oreille aux aguets, toujours prêt à répondre au plus léger appel. C'était lui encore qui intervenait avec respect lorsque sa sainteté veillait trop tard, travaillait trop tard. Sur ce point pourtant, elle entendait difficilement raison. Se relevait durant les heures d'insomnie, l'envoyait réveiller un secrétaire pour dicter des notes, jeter sur le papier un projet d'encyclique. Quand la rédaction d'une encyclique la passionnait, elle y aurait passé les jours et les nuits, de même que jadis, quand elle se piquait de belles versifications latines, l'aube la surprenait parfois en train de polir une strophe. Elle dormait fort peu, en proie à un continuel travail, d'une activité cérébrale extraordinaire, toujours hantée par la réalisation de quelques volontés anciennes. La mémoire seule avait un peu faibli dans les derniers temps, et peut-être bien que M. Squadra venait de trouver sa sainteté plus souffrante à la suite d'un excès de travail, puisque, la veille encore, on la disait si malade, et que le plus souvent, d'ailleurs, elle dédaignait de se soigner. Tandis qu'il continuait à marcher doucement, Pierre était ainsi envahi peu à peu par cette haute et souveraine figure. Des détails infimes de la vie quotidienne, il montait à la vie intellectuelle, à ce rôle d'un grand pape que Léon XIII entendait certainement jouer. Il avait vu, à Saint-Paul hors les murs, se déroulait la frise interminable où sont représentés les portraits des 262 papes, et il se demandait, dans cette longue suite de médiocres, de saints, de criminels et de génies, quel était le pape auquel Léon XIII aurait voulu ressembler. Était-ce un des premiers papes, si humble, un de ceux qui se sont succédés pendant les 3 premiers siècles de vie cachée? Simple chef d'association funéraire, pasteur fraternel de la communauté chrétienne. Était-ce le pape Damase, le premier grand bâtisseur, le cerveau lettré qui se plut aux choses de l'esprit, le croyant de foi vive qui ouvrit les catacombes à la pitié des fidèles? Était-ce Léon III, dont la main hardie en sacrant Charlemagne acheva la rupture avec l'Orient que le grand schisme avait déjà séparé, porta l'Empire à l'Occident par l'unique et toute puissante volonté de Dieu et de son Église, qui dès lors disposa des couronnes. Était-ce le terrible Grégoire VII, le purificateur du Temple, le souverain des rois? Était-ce Innocent III? Était-ce Boniface VIII? les maîtres des armes, des peuples et des trônes, armés de l'excommunication farouche, régnant sur le Moyen-Âge épouvanté, dans une telle domination que jamais le catholicisme ne devait réaliser d'aussi près son rêve. Était-ce Urbain II? Était-ce Grégoire IX? Ou un autre des papes dans le cœur desquels flamba la passion rouge des croisades, le besoin d'aventures saintes qui souleva les foules, qui les jeta à la conquête de l'inconnu et du divin? Était-ce Alexandre III, défendant la papauté contre l'Empire, luttant jusqu'au bout pour ne rien céder de l'autorité suprême qu'il tenait de Dieu, finissant par vaincre en posant son pied triomphal sur la tête de Frédéric Barberousse? Était-ce, longtemps après les tristesses d'Avignon, Jules II, qui porta la cuirasse et qui raffermit la puissance politique du Saint-Siège? Était-ce Léon X, le fastueux, le glorieux patron de la Renaissance, de tout un grand siècle d'art, mais l'esprit court et imprévoyant, qui traitait Luther de simple moine révolté? Était-ce Pie V, la réaction noire et vengeresse, la flamme des bûchers châtiant la terre redevenue païenne? Était-ce quelque autre des papes qui régnèrent après le concile de Trente, d'une foi absolue, la croyance rétablie dans son intégrité, l'Église sauvée par son orgueil, son intransigeance, son entêtement au respect total des dogmes? Était-ce, au déclin de la papauté, lorsqu'elle n'avait plus été qu'une maîtresse de cérémonie, réglant le gala des grandes monarchies de l'Europe? Était-ce Benoît XIV, la vaste intelligence, le profond théologien, qui, les mains liées, ne pouvant plus disposer des royaumes de ce monde, avait passé sa belle vie à réglementer les choses du ciel? Et l'histoire de cette papauté se déroulait ainsi, la plus prodigieuse des histoires. Toutes les fortunes, les plus basses, les plus misérables, comme les plus hautes, les plus éclatantes. Une obstinée volonté de vivre qu'il avait fait vivre quand même, au travers des incendies, des massacres et des écroulements de peuples, toujours militante et debout dans la personne de ses papes. La plus extraordinaire lignée de souverains absolus, conquérants et dominateurs, tous maîtres du monde, même les chétifs et les humbles, tous glorieux de l'impérissable gloire du ciel, lorsqu'on les évoquait de la sorte dans ce Vatican séculaire, où leurs ombres, sûrement, se réveillaient la nuit, venaient rôder par les galeries sans fin, par les salles immenses, au fond de ce silence anéanti de tombes, dont le frisson devait être fait du léger frôlement de leurs pas sur les dalles de marbre. Mais Pierre, maintenant, se disait qu'il le connaissait bien, le grand pape que Léon XIII voulait être. C'était, tout au début de la puissance catholique, Grégoire le Grand, le conquérant et l'organisateur. Celui-là était d'antique souche romaine. Un peu du vieux sang impérial battait dans son cœur. Il administra Rome sauvée des barbares, il fit cultiver les domaines ecclésiastiques, il partagea les biens de la terre, un tiers aux pauvres, un tiers aux cierges, un tiers à l'Église. Puis, le premier, il créa la propagande, envoya ses prêtres civiliser et pacifier les nations, poussa la conquête jusqu'à soumettre la Grande-Bretagne à la divine loi du Christ. Et c'était aussi, après un intervalle énorme de siècles, Sixte Quint, le pape financier et politique, le fils de jardinier qui se révéla sous la tiare comme un des cerveaux les plus vastes et les plus souples d'une époque fertile en beaux diplomates. Il thésaurisait, il se montrait d'une avarice rude pour gouverner en monarque qui a toujours, dans ses coffres, l'or nécessaire à la guerre et à la paix. Il passait des années en négociation avec les rois. Il ne désespérait jamais du triomphe. Jamais non plus il ne contrecarrait son temps. Il l'acceptait tel qu'il était, puis tâchait de le modifier au gré des intérêts du Saint-Siège, conciliant pour tout et avec tous, rêvant déjà un équilibre européen dont il comptait devenir le centre et le maître. Avec cela, un très saint pape, un mystique fervent, mais un pape, l'esprit le plus absolu et le plus souverain, doublé d'un politique, décidé aux actes pour assurer sur cette terre la royauté de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre, dans l'enthousiasme qui, malgré sa volonté de calme, remontait en lui, balayait en lui toutes les prudences et tous les doutes. Pierre se demandait pourquoi interroger ainsi le passé. Est-ce que le seul Léon XIII n'était pas celui de son livre, le grand pape dont il avait eu la révélation, qu'il avait peint selon son cœur, tel que les âmes le voulaient et l'attendaient? Ce n'était point sans doute un portrait d'étroite ressemblance, mais il fallait bien que les grandes lignes en fussent vraies pour que l'humanité ne désespérât pas de son salut. Et des pages nombreuses de son livre s'évoquèrent, flambèrent devant ses yeux. Il revit son Léon XIII, le politique sage, le conciliateur travaillant à l'unité de l'Église, voulant la rendre forte et invincible au jour prochain de la lutte inévitable. Et il le revit dégagé des soucis du pouvoir temporel, grandi, épuré, éclatant de splendeur morale, seule autorité debout, au-dessus des nations, ayant compris le mortel danger qu'il y avait à laisser la solution socialiste entre les mains des ennemis du christianisme, résolu dès lors à intervenir dans la querelle contemporaine, comme Jésus autrefois pour la défense des pauvres et des humbles. Il le revit, se mettre du côté des démocraties, accepter la République en France, laisser à l'exil les rois chassés de leur trône, réaliser la prédiction qui promettait à Rome de nouveau l'empire du monde, lorsque la papauté, ayant unifié la croyance, marcherait à la tête du peuple. Les temps s'accomplissaient. César était abattu, le pape demeurait seul, et le peuple, le grand muet, que les deux pouvoirs s'étaient disputés si longtemps, n'allait-il pas se donner au père, puisqu'il le savait maintenant juste et charitable, le cœur embrasé, la main tendue, accueillant les travailleurs sans pain et les mendiants des routes? Dans l'effroyable catastrophe qui menaçait les sociétés pourries, dans l'affreuse misère qui ravageait les villes, il n'y avait pas d'autre solution possible. Léon XIII, le prédestiné, le rédempteur nécessaire, le pasteur envoyé pour sauver ses ouailles du prochain désastre, en rétablissant la communauté chrétienne, l'âge d'or oublié du christianisme primitif. La justice régnant enfin, la vérité resplendissant comme le soleil, tous les hommes réconciliés, plus qu'un peuple vivant dans la paix, n'obéissant qu'à la loi égalitaire du travail, sous le haut patronage du pape, unique lien de charité et d'amour. Alors, Pierre fut comme soulevé par une flamme, porté, poussé en avant. Enfin, enfin, il allait le voir, vider son cœur, ouvrir son âme. Il y avait tant de jours qu'il souhaitait cette minute passionnément, qu'il luttait de tout son courage pour l'obtenir. Et il se rappelait les obstacles, sans cesse renaissants, dont on avait voulu l'entraver depuis son arrivée à Rome. Et cette longue lutte, ce succès final inespéré, redoublait sa fièvre, exaspérait son désir de victoire. Oui, oui, il vaincrait, il confondrait les adversaires de son livre. Ainsi qu'il l'avait dit à Monsignore Fornaro, est-ce que le Saint-Père pouvait le désavouer? Est-ce que lui, simplement, n'avait pas exprimé ses idées secrètes? Trop tôt, peut-être, faute pardonnable. Et il se souvenait aussi de sa déclaration à Monsignor Ennani, le jour où il avait juré que jamais il ne supprimerait lui-même son livre, car il ne regrettait rien, il ne désavouait rien. À cette minute encore, il s'interrogeait. Il croyait se retrouver avec toute sa vaillance, toute sa volonté de se défendre, de faire triompher sa foi, dans la violente excitation nerveuse où l'attente le jetait. Après sa course sans fin au travers de ce Vatican énorme, qu'il sentait à son entour si muet et si noir. Cependant, il se troublait de plus en plus. Il en venait à chercher ses idées. Il se demandait comment il entrerait, ce qu'il dirait et en quels termes. Des choses confuses et lourdes devaient s'être amassées en lui, car leur pesanteur était pour beaucoup dans son étouffement, sans qu'il voulût s'en rendre compte. Tout au fond, il était brisé, là déjà, n'ayant plus d'autre ressort que l'envolée de son rêve, son cri de pitié devant l'abominable misère. Oui, oui, il entrerait vite, il tomberait à genoux, il parlerait comme il pourrait, laissant son cœur déborder. Et sûrement le Saint-Père sourirait, le renverrait en disant qu'il ne signerait pas la condamnation d'une œuvre où il venait de se revoir tout entier, avec ses pensées les plus chères. Pierre eut une telle défaillance qu'il marcha de nouveau jusqu'à la fenêtre pour appuyer son front brûlant contre une vitre glacée. Ses oreilles bourdonnaient, ses jambes fléchissaient, tandis que le sang, à grands coups, battait dans son crâne. Et il s'efforçait de ne plus penser à rien. Il regardait Rome, noyée d'ombre, en lui demandant un peu du sommeil où elle s'anéantissait. Il voulut se distraire de sa hantise. Il essaya de reconnaître des rues, des monuments, à la seule façon dont se groupaient les lumières. Mais c'était la mer sans bornes. Ses idées se brouillaient, s'en allaient à la dérive, au fond de ce gouffre de ténèbres semé de clartés menteuses. Ah ! Pour se calmer, pour ne plus penser enfin, la nuit totale et réparatrice, la nuit où l'on dort à jamais, guéri de la misère et de la souffrance. Brusquement, il eut la nette sensation que quelqu'un était debout derrière lui, immobile, et il se retourna avec un léger sursaut. Debout, en effet, dans sa livrée noire, M. Squadra attendait. Il eut simplement une de ses révérences pour inviter le visiteur à le suivre. Puis, il se remit à marcher le premier, traversa la salle du petit trône, ouvrit lentement la porte de la chambre. Et il s'effaça, laissa entrer, referma la porte sans un bruit. Pierre était dans la chambre de sa sainteté. Il avait craint une de ces émotions foudroyantes qui affolent ou paralysent. On lui avait conté que des femmes arrivaient mourantes, pâmées, l'air ivre, ou bien se précipitaient, comme soulevées, dansantes, apportées par le vol d'ailes invisibles. Et brusquement, l'angoisse de son attente, sa fièvre accrue de tout à l'heure, aboutissait à une sorte de saisissement, à une réaction qui le faisait très calme, les yeux clairs, voyant tout. En entrant, l'importance décisive d'une telle audience lui était nettement apparue. Lui, simple petit prêtre, devant le suprême pontife, chef de l'Église, maître souverain des âmes. Toute sa vie religieuse et morale allait en dépendre. Et c'était peut-être cette pensée soudaine qui le glaçait ainsi, au seuil du sanctuaire redoutable, vers lequel il venait de marcher d'un pas si frémissant, dans lequel il n'aurait cru pénétrer que le cœur est perdu, les sens abolis, ne trouvant plus à balbutier que ses prières de petit enfant. Plus tard, quand il voulut classer ses souvenirs, il se rappela qu'il avait vu Léon XIII d'abord, mais dans le cadre où il était, dans cette grande chambre, tendue de damas jaune, à l'alcôve immense, si profonde que le lit y disparaissait, ainsi que tout un petit mobilier, une chaise longue, une armoire, des malles, les fameuses malles où se trouvait, disait-on, sous de triples serrures, le trésor du denier de Saint-Pierre. Un meuble Louis XIV, une sorte de bureau à cuivre ciselé, faisait face à une grande console Louis XV, dorée et peinte, sur laquelle, près d'un haut crucifix, brûlait une lampe. La chambre était nue, rien autre que trois fauteuils et quatre ou cinq chaises recouvertes de soie claire, pour remplir le vaste espace que recouvrait un tapis, déjà fort usé. Et Léon XIII était là, sur un des fauteuils, assis à côté d'une petite table volante où l'on avait posé une seconde lampe garnie d'un abat-jour. Trois journaux y traînaient, deux français, un italien, celui-ci à demi déplié, comme si le pape venait de le quitter à l'instant, pour tourner, à l'aide d'une longue cuillère de vermeil, un verre de sirop placé près de lui. Comme il avait vu la chambre, Pierre vit le costume. La soutane de drap blanc à boutons blancs, la calotte blanche, la pèlerine blanche, la ceinture blanche, frangée d'or, les bouts brodés des clés d'or. Les bas étaient blancs, les mules étaient de velours rouge, également brodés des clés d'or. Et ce qui le surprit, ce fut le visage, le personnage tout entier, qui lui paraissait diminué, qu'il reconnaissait à peine. C'était la quatrième rencontre. Il l'avait vu par un beau soir, dans les délices des jardins, souriant et familier, écoutant les commérages d'un prélat favori, tandis qu'il s'avançait de son petit pas de vieillard un sautillement d'oiseau blessé. Il l'avait vu dans la salle des béatifications, en pape bien-aimé et attendri, les joues rosées de contentement, pendant que les femmes lui offraient des bourses, des calottes blanches pleines d'or, arracher leurs bijoux pour les jeter à ses pieds. Ce serait arracher le cœur pour le jeter de même. Il l'avait vu à Saint-Pierre, porté sur le pavois, pontifiant, dans toute sa gloire de Dieu visible que la chrétienté adorait, telle qu'une idole enfermée en sa gaine d'or et de pierreries, la face figée d'une immobilité hiératique et souveraine. Et il le revoyait, là, sur ce fauteuil, dans l'intimité étroite, l'air aminci, si frêle, qu'il en éprouvait une sorte d'inquiétude, mêlée d'attendrissement. Le cou, surtout, était extraordinaire, le fil invraisemblable, le cou d'un petit oiseau très vieux et très blanc. D'une pâleur d'albâtre, la face avait une transparence caractéristique. On apercevait la clarté de la lampe à travers le grand nez dominateur, comme si le sang se fût totalement retiré. La bouche immense, aux lèvres de neige, coupait d'une ligne mince le bas de la physionomie. Et les yeux seuls étaient restés beaux et jeunes, des yeux admirables, d'un noir luisant de diamants noirs, d'un éclat, d'une force qui ouvrait les âmes, les forçait de confesser la vérité à voix haute. Les rares cheveux sortaient de la calotte blanche en légères boucles blanches, couronnant de blanc la maigre figure blanche dont la laideur s'épurait dans tout ce blanc. Cette blancheur, toute âme où la chair semblait se fondre en une candide floraison de lys. Mais, au premier coup d'œil, Pierre avait constaté que, si M. Squadra l'avait fait attendre, ce n'était pas pour obliger le Saint-Père à passer une soutane propre, car celle qu'il portait se trouvait fortement tachée de tabac, des salissures brunes qui avaient coulé le long des boutons. Et bourgeoisement, le Saint-Père avait un mouchoir sur les genoux pour s'essuyer. Du reste, il paraissait bien portant, remis de son indisposition de la veille, comme il se remettait d'ordinaire, avec facilité, en vieillard très sobre et très sage, qui n'avait aucune maladie organique et qui s'en allait simplement un peu chaque jour, d'épuisement naturel, ainsi qu'un flambeau qui, à force de donner sa flamme, finit un soir par s'éteindre. Dès la porte, Pierre avait senti les deux yeux étincelants. Les deux yeux de diamant noir se fixaient sur lui. Le silence était énorme. Les lampes brûlaient d'une flamme immobile et pâle, dans cet immense calme du Vatican endormi, sans qu'on sentît autre chose, au loin, que l'antique Rome sombrait sous l'amas des ténèbres, comme un lac d'encre où se reflétaient les étoiles. Il dut s'approcher, il fit les trois génuflexions, il se pencha pour baiser la mule de velours rouge posée sur un coussin. Et il n'y eut pas une parole, pas un geste, pas un mouvement. Et lorsqu'il se redressa, il retrouva les deux diamants noirs, les deux yeux de flamme et d'intelligence qui le regardaient toujours. Enfin, Léon XIII, qui n'avait pas voulu lui épargner l'humilité du baisement de pied, et qui maintenant le laissait debout, parla le premier, sans cesser de l'examiner, lui fouillant l'âme au plus profond de son être. « Mon fils, vous avez vivement désiré me voir, et j'ai consenti à vous donner cette satisfaction. » Il parlait en français, un français un peu incertain qu'il prononçait à l'italienne, si lentement qu'on aurait pu écrire les phrases comme sous une dictée. La voix était forte, nasale, une de ces voix grosses et grondantes qu'on est surpris d'entendre sortir de certains corps débiles, qui paraissent exsangues et sans souffle. Pierre s'était contenté de s'incliner de nouveau, en signe de profond remerciement, sachant que, pour parler, le respect voulait qu'on attendît d'être questionné d'une façon directe. « Vous habitez Paris ?»« Oui, Saint-Père. » « Vous êtes attaché à une des grandes paroisses de la ville ?»« Non, Saint-Père, je ne suis desservant qu'à la petite église de Neuilly. »« Ah oui, oui, je sais. C'est du côté du bois de Boulogne, n'est-ce pas ? Et quel est votre âge, mon fils ?»« 34 ans, Saint-Père. » Il y eut un court silence. Léon XIII avait fini par baisser les yeux. Il reprit de sa frêle main d'ivoire le verre de sirop, le tourna avec la longue cuillère, but une gorgée. Et cela doucement, d'un air prudent et raisonné, comme tout ce qu'il devait penser et faire. « J'ai lu votre livre, mon fils. Oui, en grande partie. D'habitude, on ne me soumet que des fragments. Mais quelqu'un qui s'intéresse à vous m'a remis directement le volume en me suppliant de le parcourir. C'est ainsi que j'ai pu en prendre connaissance. » Et il eut un petit geste dans lequel Pierre crut voir une protestation contre l'isolement où le tenait son entourage, cet exécrable entourage qui faisait bonne garde pour que rien d'inquiétant n'entrât du dehors, selon le mot de Monsignor et Nanni lui-même. « Je remercie votre sainteté du très grand honneur qu'elle a daigné me faire, » se permit alors de dire le prêtre. « Il ne pouvait pas m'arriver de bonheur plus haut, ni plus ardemment souhaité. » Il était si heureux. Il s'imagina que sa cause était gagnée, en voyant le pape très calme, sans colère, lui parler de son livre sur ce ton, en homme qui le connaissait à fond maintenant. « N'est-ce pas, mon fils, vous êtes en relation avec monsieur le vicomte Philibert de Lachoux ? J'ai d'abord été frappé de la ressemblance de certaines de vos idées avec celles de ce très dévoué serviteur, qui nous a donné d'autre part des preuves précieuses de son bon esprit. En effet, Saint-Père, monsieur de la Choux veut bien m'aimer un peu. Nous avons longuement causé. Il n'y a rien d'étonnant à ce que j'ai reproduit plusieurs de ses pensées les plus chères. Sans doute, sans doute. Ainsi, cette question des corporations, il s'en occupe beaucoup, un peu trop même. Lors de son dernier voyage, il m'en a entretenu avec une rare insistance. De même que, ces temps derniers, un autre de vos compatriotes, l'homme le meilleur et le plus éminent, monsieur le baron de Fouras, qui nous a amené ce si beau pèlerinage du denier de Saint-Pierre, n'a pas eu de cesse que je ne le reçoive pour m'en parler, lui aussi, pendant près d'une heure. Seulement, il faut dire qu'ils ne s'entendent guère ensemble, car l'un me supplie de faire ce que l'autre ne veut pas que je fasse.